Chapitre 34e. Madame Héros s'était préparée à cet entretien avec son fils. Cependant, prête à l'entamer, elle s'arrêta, gênée et confuse. Le sujet, en effet, était délicat à traiter pour une mère, alors surtout qu'elle s'adressait à un fils tel que Louis. Mais à la fin, le vertige de l'héritage l'entraîna, et ne sachant par où commencer cette confidence difficile, qui eut besoin de ménagement et de savante préparation, elle la commença par le commencement. « Quand Denise est arrivée à Rudemont, je ne t'ai pas caché, dit-elle, que nous avions des raisons de supposer qu'elle était pour Arthur plus qu'une pupille et qu'une filleule. Nos suppositions se sont trouvées confirmées, Denise est la fille du marquis. » Elle regarda son fils, mais celui-ci ne broncha pas. Immobile sur son fauteuil, le menton appuyé dans une main, les yeux fixes, il semblait résigné à écouter sa mère jusqu'au bout et à entendre tout ce qu'elle voudra lui dire, sans se permettre la moindre observation, sans engager la plus légère discussion. On lui avait demandé d'écouter, il écoutait, voilà tout. Il donnait son attention, il ne donnait pas autre chose. Après avoir attendu un moment, Madame Héros continua. « Tu me demandes sans doute. »« Rien, je ne demande rien. »« Enfin, tu désires savoir. »« Je voudrais ne rien savoir. »« Ce qui a précisé nos doutes, » dit-elle, sans se laisser arrêter, « c'est la tendresse d'Arthur pour Denise. »« On n'a pas ces soins-là pour un enfant qui ne nous est rien. » Il ne la quitte pas des yeux, il la couve. Lorsqu'elle vient l'embrasser, son visage s'illumine. Quand il lui parle, sa voix prend des intonations douces et caressantes. C'est sa fille. Bien qu'il eût pris envers lui-même l'engagement d'écouter sa mère jusqu'au bout, Louis ne put s'empêcher de répondre. « Je m'étais promis de ne pas t'interrompre, mais voilà un mot que tu répètes avec une insistance si prononcée qu'il est bien certain qu'il part d'une conviction véritable, n'est-ce pas ? Assurément, ma conviction sur ce point est parfaitement arrêtée. Notre cousin est le père de Denise. Cela est aussi certain pour moi que si j'avais vu l'acte de naissance de la petite. Il n'y a pas à se laisser ébranler par cette considération qu'il a abandonné la mère pendant 10 ans. Cet M. Malajolet était une femme plus que légère. Et elle aura obligé Arthur à cet abandon. C'est sa fille, tu peux en être assuré. Alors notre entretien doit en rester là. Parce que si Denise est la fille de notre cousin, nous ne sommes plus rien pour lui. J'entends que nous ne sommes plus ses héritiers et alors nous n'avons pas à discuter des questions d'héritage. Là-dessus, seulement, il va prendre sa mère par la main. Allons dîner. Mais elle le força doucement à se rasseoir. Sans doute, dit-elle, tu as parfaitement raison quant à ton oncle et quant à moi. Nous ne devons plus avoir aucune prétention à l'héritage d'Arthur, cela est entendu. Bien que Denise, en sa qualité d'enfant naturel, n'ait pas droit à toute la fortune de notre cousin, il est plus que probable que celui-ci complétera par un testament en sa faveur ce que la loi a commencé. Elle sera sa légataire universelle. Ton oncle et moi, nous verrons disparaître un héritage sur lequel pendant 10 années nous avons eu des droits. » Il leva la main par un geste qui n'avait rien de désolé. « Je ne me plains pas, » continua Madame Méraud, « et je suis bien aise que tu saches que je n'ai jamais désiré cet héritage pour moi. Ce n'est pas pour jouir de la fortune d'Arthur, que pendant 10 ans je l'ai soigné et ménagé, c'est pour toi seul. Je ne serai donc malheureuse de ce qui arrive maintenant que si cette fortune devait t'échapper. Mais cela n'est pas à craindre, si tu le veux, cette fortune peut t'appartenir. » Il demeura impassible, et Madame Héros, qui avait dirigé son discours de manière à provoquer une interruption qui devait singulièrement l'aider dans ce qui lui restait à dire, se trouva déconcertée par ce mutisme, elle eût mieux aimé une discussion que ce silence. « Pourquoi n'épouserais-tu pas Denise ? Dit-elle enfin, poussée à bout. « Moi ? » s'écria-t-il. « Et c'est toi, toi, ma mère, qui me fais cette proposition ? Des raisons, non, des exclamations. Vois jusqu'où la convoitise de cette fortune peut t'entraîner. Si tu as des raisons de ne pas vouloir devenir le mari de Denise, dit-elle d'un ton sec, donne-les, c'est tout ce que je te demande. Tu ne les vois pas, ces raisons. Je ne vois que celles qui rendent ce mariage désirable. Alors je vais te dire celles qui le rendent impossible. » Jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, mon oncle et toi, vous avez compté que vous seriez un jour les héritiers du marquis de Rudemont. Et cela vous a paru si naturel que vous n'avez pas pris la peine de cacher vos espérances. Pourquoi l'aurions-nous fait ? Je n'ai pas à m'expliquer là-dessus, car ce que je pourrais dire ne changerait pas ton sentiment. Dans le public, il est admis que cet héritage vous appartiendra. Et il est plus que certain que notre cousin doit savoir que pendant 10 ans vous avez attendu sa mort. Mon oncle, qui a 59 ans, attendant la mort du marquis de Rudemont, qui en a 45. 46, interrompit Madame Méraud, qui chaque jour faisait ce compte d'années. Peu importe. Quand mon cousin prend une année, mon oncle n'en perd pas une de celles qu'il a déjà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour tout le monde, mon cousin compris, vous êtes les héritiers de Rudemont. Aujourd'hui, cet héritage vous échappe. Et vous voulez que, par un mariage, je le rattrape? Vous voulez que je m'expose à ce qu'on me croit capable d'une pareille faiblesse? Qu'importe le monde. Ce n'est pas du monde que j'ai souci en ce moment, c'est de mon cousin. Comment juge-t-il mon oncle? Je n'en sais rien, et je ne désire pas le savoir. Mais je ne veux pas qu'il puisse me confondre avec mon oncle. J'aime mon cousin. Je veux son amitié, et je veux aussi son estime. Le marquis de Rudemont a l'âme trop haute pour m'estimer le jour où il supposera que j'épouse sa fille pour reprendre, par ce moyen, sa fortune qui m'échappe. Et si tu l'aimais, cette fille? Si elle t'aimait, tu refuserais donc de devenir son mari par fierté mal placée pour qu'on ne t'accuse pas de spéculation? Si je l'aimais, il baissa les yeux, si j'en étais aimé, ce serait bien différent. Un honnête homme, sous l'influence de la passion, peut se laisser entraîner à des crimes et à des lâchetés qu'il ne commettra jamais lorsqu'il ne s'agira que d'argent. Et pourquoi ne veux-tu voir que la question d'argent dans ce que je t'ai dit? Que veux-tu que j'y voie? Denise, la fille, l'héritière du marquis de Rudemont. Sans doute, cette qualité ne peut lui être enlevée, mais à côté de celle-là, elle en possède d'autres qui lui sont personnelles. La beauté, la grâce, la douceur, la bonté, n'est-elle pas charmante? Il ne répondit pas. Que t'ai-je demandé? Continua Madame Méraud. De venir passer tes vacances de Pâques avec nous à Rudemont. Pourquoi? Tout simplement pour que dans l'intimité de quelques semaines, tu puisses voir Denise à chaque instant et que tu apprennes ainsi à la connaître. L'enfant qu'elle était en arrivant à Rudemont est devenue une jeune fille, pleine de charme pour ceux qui la connaissent. Ce n'est pas seulement par la fortune qu'elle aura un jour qu'elle est désirable pour un mari, c'est encore par des mérites réels. Il resta longtemps silencieux, la tête baissée sur son bureau. Il ne l'aime pas, se disait Madame Méraud, mais il l'aimera et il se fera aimer. L'héritage d'Arthur est à nous. Tout à coup, il releva la tête et regarda sa mère avec tristesse. « Oh, maman » dit-il avec l'accent d'un enfant qui se plaint. « Pourquoi tu parlais malgré mes prières? Pourquoi m'as-tu forcé à entendre ?» Elle fut émue de cet accent désolé. « En quoi mes paroles ont-elles pu te peiner, mon cher enfant ?»« En précisant une situation que je ne voulais pas voir. Mon Dieu !»« Oui, tout ce que tu viens de dire de Denise, je le sais comme toi, et je n'ai pas attendu que tu me la montres pour la voir. Oui, elle a la beauté, la grâce, la douceur, la bonté, oui, elle est charmante, oui, elle est désirable pour un mari, et je l'aime. » Il se cacha la tête entre les mains, mais bientôt, regardant sa mère, « Pourquoi je n'ai pas parlé? Pourquoi je t'ai résisté? Pourquoi je te résiste? Parce que je n'ai pas cru, parce que je ne crois pas ce mariage possible. Dans ma position, n'est-ce pas? Il ne m'était pas permis de devenir le mari de la fille d'Emma Lajolet. Cette position, ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est vous qui me l'avez imposée. J'en aurais préféré une autre, qui donnait satisfaction à mes goûts et à ma nature. J'ai accepté celle-là, pour toi d'abord, parce que nous étions pauvres et que je voulais t'assurer une vie honnête, le jour où cela serait nécessaire. Pour le marquis ensuite, parce que je ne voulais pas rester à sa charge. Et ensuite, parce que je me considérais comme obligé envers lui à faire ce qu'il désirait. Je suis donc devenu magistrat. Et assurément, personne ne dira que par mon attitude, ma conduite et mon caractère, je me suis écarté une minute de la ligne qui nous est imposée par notre devoir, aussi bien que par l'opinion publique. Si l'on a un reproche à m'adresser, c'est d'avoir été trop loin dans ce sens. J'ai voulu être magistrat dans ma tenue, comme dans mes croyances, comme dans mes opinions, comme dans mes sentiments. Et peut-être ai-je été incorrect précisément parce que je voulais être correct. Mais enfin, tu reconnaîtras que dans ces conditions, je ne pouvais pas penser à épouser Mademoiselle Denise Lajolet. J'ai donc résisté au sentiment qui s'était emparé de moi. Ce n'est pas de Denise Lajolet qu'il s'agit, c'est de Denise Mulsan de Rudemont, fille du marquis de Rudemont. Oh, mère, tais-toi, tais-toi. Ne me pousse pas dans cette voie. Car une fois que tu m'auras fait sortir de la ligne dans laquelle j'ai voulu vivre enfermé jusqu'à ce jour, rien ne m'y ferait rentrer. Tu voudrais me voir aimer Denise de Rudemont, la riche héritière. Moi, celle que j'aimerais, celle que j'aime, c'est Denise, fille ou non de fille de marquis, héritière ou non héritière. Et si, au lieu de me laisser arracher de mon cœur cet amour naissant, tu le développes, plus tard, rien ne pourra plus me faire renoncer à Denise. Tu dis, tu crois qu'elle aura la fortune de mon cousin, et tu es heureuse de penser que je puis devenir son mari. Mais si elle ne l'avait pas, cette fortune, voudrais-tu encore que je l'épousasse? Pourquoi ne l'aura-t-elle pas? Dit Madame Méraud avec un geste plein d'assurance. Que sais-je, tout est possible. Laisse-moi aller à Paris pendant qu'il en est encore temps. Laisse-moi ne pas voir Denise. Non, viens à Rudemont, je t'en prie, mon cher fils, viens à Rudemont. » Il resta longtemps sans parler, hésitant, luttant. Enfin, relevant la tête. « J'irai.